Les deux rak'at après l'asr, on avait dit que cela faisait partie des sunan, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait deux rak'at après l'asr chez lui, mais cela ne rentre pas dans le rawatib. Cela ne rentre pas dans les prières surérogatoires qui sont restreintes. Elles ne sont pas recommandées, mais elles sont préférables. Elles ne rentrent pas dans le cadre de recommandées. Les prières rawatib qui sont recommandées, elles sont au nombre de 12. Pour ceux qui récitent, qui font salat al-wit, ils récitent Allah wahad, qul a'udhu bi rabbil afraq, qul a'udhu bi rabbin nas. Il est où le dalil sur ça? Allahu a'lam, je ne l'ai pas en tête. Le dalil sur le fait de lire qul Allah wahad, qul a'udhu bi rabbil falaq, qul a'udhu bi rabbin nas, dans la dernière raka'a du witr, Allahu a'lam, je n'ai pas le hadith en tête. Mais je rechercherai. C'est tabat? Wallah hadri, je ne sais pas. Il faudrait que je recherche, inshallah. Naam? Les semaines le soir d'Adel Maghreb, tu peux les faire à voix haute ou à voix basse? À voix basse, tu les fais. À voix basse. Non. Parce que le Qiyam il l'a fait aussi. Comment on sait qu'il a récité que le prophète a fait la récité sur la Qiyam Qaras? Non. Parce qu'après Adel, tu peux le faire à voix haute. Ah, Qiyam il commence après l'Isha. Non. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.